dans la haram, on y est. Faut pas le nier. Bendia, moi j'ai fait ça pour les miens. Et comme dirait le S, pourtant j'suis dans le classe S. J'roule à sens inverse de la direction de la Hesse. Classique comme des Stan Smith, génération Starsky. Faut que leur star system, j'préfère rester à la cité. Beaucoup ont connu le parking, déféré au parquet. Le grand frère s'est mis dans le deal, son petit frère dans la taille day. Ouais. Tu fais encore la joie, cousine, t'as la jamadonna. Ça va trop loin, j'vois la foi nous abandonner. J'vois les jaloux des abonnés. J'les vois regarder ma monnaie. Sarbi, sarbi, marine et marine. Sarbi, sarbi, Monroe, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Hey, Monroe, Marilyn. On réussira pas, juste en essayant. Mon gauche est drip, je regarde l'océan. Franc et vif, on prend le bif. La coque est blanche comme Marilyn. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour une break, man? On sait, j'aurais d'être riche, moi et ma ferme. J'tirais, j'rends l'ennemi enferme. Un coup de feu, tout le quartier qui turn up. Les yeux noirs qu'on va sonner mes nuits. Ma chérie, j't'aime à mort, mais j'suis un brave. Alors faut de love, alors j'ai la bonne cam pour reprendre la city. Monroe, 19, le litre. Mon fric sans la souplite. J'fais plus midi, minuit. J'ai vécu le début sans love. J'ai 100 000 couteaux dans le dos. Monroe, ma Sarbi, sarbi, sarbi, Marilyn, Marilyn. Sarbi, sarbi, Monroe, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Sur le bif, sur le bif. Marilyn, Marilyn. Elle est blanche comme Marilyn. Monroe, Marilyn. J'ai 100 000 couteaux dans le dos. J'ai 100 000 couteaux dans le dos. J'ai 100 000 sous le manteau. Thank you.